بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب التوحيد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الثبات على دينه والإخلاص والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre sur l'explication de ce chapitre. Et donc, on s'est arrêté hier lorsqu'on parlait de la sagesse infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété dans cet univers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sagesse immense et infinie de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, on a appris que souvent dans le Coran, vous allez voir l'association entre ces deux noms sublimes qu'on est en train d'étudier, aussi bien Al-Aziz ou Al-Hakim. Et donc, on voit souvent cette association entre ces deux noms, et du fait que Allah Jalla wa Ala est le Tout-Puissant, et cette toute-puissance, cette puissance absolue, le fait qu'Allah Jalla wa Ala est le glorieux, comme on l'a expliqué, lorsqu'on a expliqué le sens de ce nom, Al-Aziz, et on a dit donc qu'Allah Jalla wa Ala, cela sous-entend qu'Allah est le glorieux par sa suprématie et sa grandeur. Donc Allah Jalla wa Ala est le Tout-Puissant. Et cela implique qu'il a le pouvoir sur toute chose. C'est pour cela que le croyant doit croire et avoir une croyance résolue sur le fait qu'Allah Jalla wa Ala a le pouvoir sur toute chose. Et donc on avait expliqué que rien ne se passe dans ce royaume, dans le royaume d'Allah, dans cet univers, sans qu'Allah Jalla wa Ala l'ait prédestiné, puisqu'Allah Jalla wa Ala est le grand régisseur de cet univers et de ce monde, puisque parmi les particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est le seigneur de cet univers, le souverain, il en est le garant, il en est le régisseur subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit dans l'allocution précédente, dans la dernière assise, que Allah Jalla wa Ala, du fait qu'il est le Tout-Puissant, cette puissance et ce pouvoir infini et éternel d'Allah Jalla wa Ala est accompagné souvent, on l'a mentionné, hein, dans le Coran par sa sagesse. Et de ce fait, hier, on a terminé en expliquant la sagesse infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et du fait que dans cet univers, tout ce qui se produit a été décrété, prédestiné de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, il faut savoir inéluctablement que derrière tout cela, tout ce qui se produit sur terre, parmi les épreuves, hein, on avait donné des exemples d'épreuves, il y a une sagesse immense et infinie. Pour cela, dans l'assise d'hier, on avait conclu l'allocution et notre cours sur la mention et la citation du verset 41 de la sourate des Romains. Lorsqu'Allah, dans une traduction relative, nous dit que la corruption est apparue sur la terre et dans la mer, du fait des agissements des hommes. Et Allah leur fera expier une partie de leur péché afin qu'ils reviennent peut-être de leur erreur. Et donc on avait mentionné ce verset. Et Shamla Thaymin, le commentateur, dans l'explication justement de ce verset, il nous a enseigné un enseignement qui est immense en nous expliquant que donc tout ce qui se produit sur terre, parmi les malheurs qui sont pour nous des malheurs et qui sont pour nous des épreuves à nos yeux, et bien derrière tout cela, il y a une sagesse qui est infinie. Et donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication de cela. Mais hier, nous, on avait conclu avec l'explication de ce verset, avec la citation de ce verset. Je vous le répète, donc c'était le verset 41 de Sourate, les Romains. Et donc Allah, Jalla wa Ala, dans ce verset, nous apprend, nous informe que donc la corruption, elle est apparue aussi bien sur terre que dans la mer. Et cette corruption, c'est les conséquences des agissements des hommes. Allah, Jalla wa Ala, dit du fait des agissements des hommes. Et Allah leur fera expier une partie de leur péché afin qu'ils reviennent peut-être de leur erreur. Donc on avait dit à travers les épreuves, eh ben, il y a un grand bien, il y a une grande sagesse du fait que les individus ensuite, les gens, ça leur permet de revenir, de reconnaître leurs fautes, d'admettre leurs fautes et leurs péchés. Et c'est eux qui sont la cause souvent de ce mal qui se produit et de ces épreuves. Pour ça, on a d'autres versets qui nous stipulent cela aussi. Comme par exemple, dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala dit « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ » Et Allah, dans un verset, nous dit donc « Et ce qui vous a touché comme masaib, comme musiba, comme malheur, c'est la conséquence que de ce que vous avez fait. » Donc on voit bien, c'est dû aux agissements, à vos agissements. Donc Allah dit « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ » Et ce qui vous a atteint comme malheur, c'est dû à vos agissements. « بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » Et dans un sens vraiment littéral, de ce qu'ont fait vos mains, de l'acquisition de vos mains, de ce qu'ont acquis vos mains, c'est-à-dire du fait des agissements, de vos agissements. « وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ » Mais Allah nous dit qu'il pardonne beaucoup. C'est pour cela qu'on se rend compte que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont éprouvés, ils ont des épreuves, les épreuves de la vie de tous les jours, et bien beaucoup de gens n'arrivent pas à admettre, et certains ignorent que c'est dû à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ces épreuves qu'ils sont en train de vivre, qui les ont touchés, c'est les conséquences de leurs actions à eux. C'est pour ça que lorsqu'on agit, lorsqu'on fait des choses, sachez qu'il y aura des conséquences. Donc parfois on est éprouvé, on est touché par des épreuves. En réalité, ce sont les résultats, c'est les conséquences et le résultat de ce qu'on a fait. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose, c'est un élément très important que souvent, réfléchissez, observez, hein, remarquez, lorsqu'une personne elle est touchée par des épreuves, lorsqu'on observe d'une manière approfondie, eh ben, on se rendra compte qu'en réalité, cette personne elle est en train de subir les résultats de ses agissements. C'est-à-dire que ces épreuves-là qu'elle est en train de subir, c'est le résultat et c'est les conséquences de ce qu'il a fait lui-même. Donc c'est les conséquences de ses agissements, de ses actions. Et de ce fait, la personne doit s'en prendre à elle-même et donc revenir et admettre son erreur et revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des causes de la dissipation de ces épreuves-là. Donc si on veut la dissipation ensuite, et on veut sortir victorieux, triomphant de cette épreuve, qu'Allah Jalla wa Ala expie nos fautes et nous élève en degré, et nous pardonne ces fautes-là, alors il faut admettre que cela est dû, et que c'est les conséquences et le résultat de nos fautes, il faut l'admettre, il faut reconnaître cela, et ensuite revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit précédemment, ça fait partie des causes pour la dissipation de ces épreuves, de ces malheurs et de ces choses qui peuvent être affligeantes pour la personne. En d'autres termes, la personne, quand il est dans les problèmes, il vit des problèmes, souvent, si on observe bien, la personne va constater que c'est lui qui s'est mis dans les problèmes. Et en d'autres termes, c'est avec des termes familiers, on voit beaucoup de gens lorsqu'ils sont dans le pétrin, eh bien, c'est eux, souvent, qui se sont mis eux-mêmes dans le pétrin. Et ça, il faut que la personne l'admette. Et ça, c'est quelque chose d'important, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué dans la dernière allocution, la personne qui ne reconnaît pas cela, alors ça va être difficile ensuite pour lui, ça risque d'être un obstacle pour qu'il puisse ensuite revenir. Pourquoi? Parce que pour revenir repentant en Allah et pour trouver des solutions et sortir de ce problème dans laquelle il est, cette sphère-là, puisqu'ensuite il est dans une sphère, dans des problèmes, donc ça devient problématique. Pour trouver l'issue, donc il faut déjà savoir d'où ces problèmes proviennent. Et comme on l'a dit, ce n'est pas tout le temps, mais souvent, on voit que ce sont les gens, avec des termes familiers, comme on a dit, qui se mettent dans les problèmes et dans le pétrin. Et donc, on voit des gens qui eux-mêmes se mettent dans les problèmes. Regardez par exemple, lorsqu'on observe, certaines personnes, par exemple, ont des problèmes financiers. Donc, ils sont endettés, mais c'est eux-mêmes qui se sont mis dans ces problèmes. Ces problèmes-là, ils pouvaient les éviter, mais eux-mêmes se sont mis dans ces problèmes. Donc on voit que beaucoup de gens, donc on ne dit pas que c'est tout le temps, parfois on peut avoir des épreuves qui sont purificatrices ou autres, mais souvent, lorsqu'on observe, beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui se sont mis dans des problèmes et qu'ils vivent cela, alors, après observation, on se rend compte que c'est ces gens qui se sont mis eux-mêmes dans ces problèmes et dans ces difficultés-là. Donc il y a des gens, c'est eux qui se sont mis dans ces difficultés. Et de ce fait, ces difficultés-là et ces problèmes-là, en quelque sorte, hein, ce pétrin-là, c'est les conséquences de leurs agissements. C'est les conséquences de leurs actions, de ce qu'ils ont fait. C'est le résultat, en quelque sorte, de ce qu'ils ont fait. Et donc ça, il faut le comprendre, ça, c'est très important ici. À titre d'exemple, pour illustrer cela avec des exemples, pour mieux comprendre, une personne, par exemple, peut avoir des problèmes dans sa vie professionnelle, à son travail, et par exemple, c'est lui qui s'est mis dans ces problèmes-là. Donc, s'il a des problèmes, par exemple, souvent dans son travail, à son boulot, comme on dit, souvent, on verra que c'est lui qui s'est mis dans ces problèmes. La personne, par exemple, a des problèmes avec son entourage, des problèmes de relationnel, avec son entourage, avec des proches, c'est lui qui s'est mis dans ces problèmes-là. Donc, ces problèmes-là, c'est dû à ses agissements et à ce qu'il a fait. Par exemple, la personne, comme on l'a dit précédemment, a des problèmes souvent. Hein. On ne dit pas que c'est tout le temps. Il y a d'autres causes. Mais souvent, les causes de ces problèmes, c'est quoi? C'est les agissements de cette personne. La personne a des problèmes financiers, a des problèmes de dette, endettée, par exemple. Beaucoup, on voit qu'ils sont endettés envers des banques ou autres. Et c'est dû à leur mauvaise gérance de leurs biens ou autres. Et c'est pour ça qu'on voit que beaucoup, lorsqu'on réfléchit, eh ben, tous ces problèmes-là, c'est eux qui se les ont attirés. Ils se sont attirés tous ces problèmes. Ils sont eux-mêmes la cause de leur malheur. C'est eux qui sont la cause souvent de leur malheur. Et donc ça, le fait de le savoir, ça permet à la personne de réagir et de prendre les bonnes décisions pour trouver une issue et pour qu'Allah Jalla wa Ala lui donne une issue favorable à ces épreuves-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important et de fondamental à comprendre. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Al-Thaymin, hier, dans la dernière allocution, a bien conclu lorsqu'il nous a mentionné ce verset, où qu'Allah, Jalla wa Ala, nous informe de cela, de cet enseignement qui est immense. Et Allah, Jalla wa Ala, nous dit que ce mal et cette corruption donc, qui est apparue aussi bien sur terre qu'en mer, c'est le fait des agissements des hommes. C'est le résultat, la conséquence de ces agissements. Et Allah leur fera expier une partie de leurs péchés. Donc regardez la miséricorde d'Allah et la bienfaisance d'Allah envers ses serviteurs. Allah leur fera expier une partie de leurs péchés afin qu'ils reviennent peut-être de leur erreur. Regardez la grande sagesse qu'il y a à travers cela. C'est que peut-être que cela les fera revenir de leurs erreurs. Et donc, on avait terminé avec cette très belle conclusion, on va dire, de ce sujet. Hein, sinon, Cheikh Ibn Al-Thaymin n'a pas fini encore, n'a pas fini dans l'explication de ce chapitre. Et d'ailleurs, on va essayer d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux enseignements, de nombreuses questions que va éclaircir et nous enseigner Cheikh Ibn Al-Thaymin ici dans son commentaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions à prendre. Donc, on va essayer d'avancer un peu plus vite, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de questions encore à apprendre à travers l'étude des hadiths qu'a mentionné l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a parlé à l'échelle individuelle, mais aussi à grande échelle, par exemple, au niveau des sociétés, au niveau de terres, de pays, par exemple. À grande échelle, Allah Jalla wa Ala, lorsque le mal et la corruption se propagent dans une société, Allah Jalla wa Ala, eh ben, va éprouver cette société. Justement, en envoyant en prédestinant et en décrétant des calamités. Par exemple, comme on a dit, des sécheresses, des famines, la disette, des catastrophes, que ce soit des pluies diluviennes, des chaleurs intenses, l'envoi, par exemple, de fléaux, de tremblements de terre et autres. Donc Allah, Jalla wa Ala, ensuite va éprouver ces sociétés-là. Du fait que si ces sociétés, dans ces sociétés, c'est répandu le mal, la corruption, al-fasad, ce qu'on appelle al-fasad ou al-fitan, la désobéissance, les péchés, les péchés considérés comme des péchés capitaux ou autres. Si le mal dans cette société s'est propagé, la désobéissance à Allah, si les gens ont transgressé les droits d'Allah, si les gens ont outrepassé et transgressé les limites, alors Allah Jalla wa Ala peut faire périr ces sociétés ou les éprouver avec des catastrophes, avec des épreuves, des calamités, avec des malheurs qui vont atteindre ces sociétés-là. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que si vous regardez dans l'histoire, beaucoup de sociétés ont péri. Certaines même ont essayé. Il y a des nations qui ont été anéanties, qui ont été éliminées, qui ont été rasées de la carte. Allah Jalla Wala a exterminé certains peuples à cause de leur désobéissance. Lorsque dans certaines sociétés jadis, le polythéisme s'est propagé, lorsque le mal s'est propagé, lorsque la corruption s'est propagée, lorsque tous les interdits ont été, toutes les limites ont été transgressées, tout cela a été outrepassé, alors Allah Jalla wa Ala, vous regardez l'histoire des différents peuples, c'est pour ça que dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous narre, nous raconte justement l'histoire de beaucoup de peuples lorsqu'ils ont transgressé, lorsque le mal s'est propagé dans ces sociétés, alors c'était la conséquence d'une grande épreuve. Regardez à l'époque de Noé, il y a eu le déluge. Et la cause de cela, c'était leur désobéissance à Allah, Jalla wa Ala. Le fait qu'ils ont propagé le polythéisme et l'associationnisme et leur refus d'obéir et d'écouter le message des prophètes et des messagers. Donc beaucoup de sociétés ont connu justement ces épreuves-là, ces calamités. Allah, Jalla wa Ala, a fait descendre des châtiments. Donc Allah, à cause de cette corruption et ce mal qui va se propager dans différentes sociétés, Allah les châtiera par différentes épreuves et par différents châtiments. Et de ce fait, et ça c'est très important et ça on peut le constater à travers l'étude de l'histoire, et regardez ces histoires comme on a dit précédemment, qui sont relatées dans le Coran. Donc Allah, Jalla wa Ala, peut faire descendre, comme on a dit, des châtiments sur terre. Et on donnera dans des assises prochaines ou des allocutions précédentes, on donnera par exemple des exemples bien concrets, sauf que là, on va avancer. Donc, vous avez vu à plus grande échelle. Et ce qui nous prouve cela aussi, c'est le hadith de Aïcha, lorsque un jour Aïcha, l'épouse du prophète, a interrogé le prophète en lui disant Anahliku wa fina salihun, wa qala an-nabi sallam, Naram, ida kathura al-khabath. Ida kathura al-khabath. Et dans wa fil sahih, ida zahara al-khabath. Ida zahara Al-Khabeth. Donc dans un hadith, regardez, Aïcha, un jour, s'est adressée au prophète, sallam, et a dit au messager d'Allah, est-ce que un ahliku wa fina salihun, est-ce qu'on périra alors qu'il y a parmi nous des vertueux, des gens pieux? Et le prophète, sallam, a dit oui, ida zahara al-Khabeth, dans le sens, ida kathura al-Khabeth. Le prophète a dit oui, si le mal se répand, s'il y a beaucoup de mal et de corruption, quelque sorte, et parmi cela l'injustice et autres, le prophète a dit oui, même si dans cette société il y a des pieux, il y a des vertueux, ça n'empêche pas que cette société pourra, Allah là, peut la faire périr ou envoyer des épreuves et châtier cette société-là. Mais ensuite, chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et s'il y avait des pieux, des vertueux dans cette société-là, eux seront jugés selon leurs œuvres. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont le même jugement que ceux qui ont propagé et qui étaient à la cause de la propagation de cette corruption, mais chacun aura son jugement propre selon ses œuvres. Sauf que, au niveau de cette société, Allah Jalla wa Ala, s'il doit châtier cette société-là, ou cette contrée-là, ou les habitants d'une contrée bien précise ou d'un pays, Allah Jalla wa Ala peut le faire et peut décréter cela. Pour cette raison, Cheikh Ibn Uthaymeen avait bien expliqué en disant فَكُلُّ مَا قَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ مِحَنٍ وَمَصَائِبٍ وَقِتَالٍ وَأَيُّ شَيْءٍ فَإِنَّ غَايَتَهُ حَمِيدَةٌ وَالْغَايَةُ مِنْهُ حَمِيدَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِ الْهَلَاكُ وَالدَّمَارُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِيهِ الْهَلَاكُ وَالدَّمَارُ. Regardez, même Cheikh Ibn Uthaymeen l'avait dit dans sa belle parole, il avait dit, même si Allah Jalla wa Ala avait décrété par exemple qu'une société ou autre allait périr, si Allah a décrété par exemple Al-Halak ou Al-Damar, la destruction, et Al-Halak, donc c'est le fait de périr, fa'in al-ghayata fihi hamida. Derrière ces épreuves, il dit, il y a toujours un objectif louable. Lianna al-musabin bihada lahum ajruhum indallah wa takfir al-sayyat wa rif'at al-darajat. وزيادة الحسنات مع الصبر والاحتساب والذي لم يصابوا يتخذون من ذلك عبرة فيرجعون إلى الله عز وجل. Dans tous les cas, ensuite, donc on avait dit que ce qu'il faut comprendre dans tous les cas, que quoi qu'il se passe sur terre, quoi qu'est décrété Allah et prédestiné Allah parmi ces événements et ces faits qui se produisent sur terre, derrière cela il y a une immense et grande sagesse. C'est ça qu'il faut retenir. Et même si pour nous, hein, à travers notre observation, à nos yeux, à nous, cela est une épreuve, cela est quelque chose de difficile, mais derrière cela, il y a un bien, on a dit, il y a une sagesse qui est immense, et comme on a dit par exemple en parole, en période d'épreuve, comme par exemple, on avait donné l'exemple comme, qui nous touche à l'heure actuelle d'une pandémie, la personne qui patiente, même si pour elle cela est une épreuve à ses yeux, eh bien Allah Jalla wa Ala récompensera les endurants, et les patients, et ceux qui espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah fera qu'il y ait compensation, expiation de leurs fautes, et qu'ils soient élevés en degré, et qu'ils aient un rajout, on a dit, de hasanat, pour cause de leur patience, et de leur recherche, de leur désir, de la bonne rétribution et de la bonne récompense. On l'a dit, nalam yusabu, et on avait dit que ceux par contre qui ne sont pas touchés, et qui ne vont pas périr par rapport à cette épreuve-là, qui vont être, on va dire, mis à l'abri, hein, qui vont être indemnes de cela, sortir indemnes de cela, alors falam yusabu yattakhiduna min dhalika ibratan fayarji'una ila Allah. Eux tireront leçon de cela et ça sera la cause pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, on va continuer puisqu'il y a beaucoup de leçons à tirer à travers l'étude de ce chapitre. Cheikh Ibn Uthaymeen maintenant va continuer. Il nous dit: "Thumma kawnu hadha ash-shay alladhi qaddarahu Allah 'azza wa jalla 'ala hadha al-wajh muwafiqun lil-hikmati, lakin ahyanan nahnu nudriku dhalik wa ahyanan la nudriku dhalik. Li'anna 'uqulana qasira. Kadhalika aydan bin-nisbati lil-hukm ash-shar'i. Al-hukm ash-shar'i lahu hikmatun haliyah. Bima'na anna wad'ahu 'ala hadha al-wajh له حكمة وله حكمة غائية لأن الغاية منه حميدة فيحمد الله جل وعلا عليها انظر في جميع الشرائع تجدها هكذا." Regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen donc continue. On va essayer de bien comprendre, puisque comme on a dit, il y a de nombreux enseignements à tirer de cela. Il nous dit donc, pour résumer ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'Allah Jalla wa Ala a décrété une chose, il a décidé d'une chose, alors sachez qu'il y a, comme on a dit précédemment, une sagesse qui est immense. ثم كن هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل على هذا الوجه موافق للحكمة. لكن, mais, sauf que cette sagesse-là, parfois, on en a la connaissance et on conçoit la sagesse et parfois on n'arrive pas à concevoir cela. Pourquoi? Parce que comme on a dit, notre raison est restreinte. Et notre conception aussi est limitée et restreinte. Et Cher veut nous expliquer ici qu'il est important pour le croyant, pour le musulman, que lorsqu'il comprend et connaît la sagesse, ou bien il ne comprend pas et n'a pas connaissance, il ignore la sagesse, il doit quand même être soumis et avoir un bon soupçon et une bonne opinion envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et savoir que découle de tout cela, derrière tout cela, il y a une sagesse qui est immense et infinie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien parmi les choses qu'Allah jalla wa'ala est décrété et permise sans qu'il y ait une sagesse de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un fondement essentiel et fondamental que le musulman doit doit comprendre et assimiler que tout ce qui se passe, donc, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. En conclusion, tout ce qui se passe, il y a une sagesse. Qu'on la comprenne ou non, qu'on arrive à la concevoir ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on arrive à concevoir certaines choses et parfois on ignore. On n'arrive pas à concevoir certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître et admettre que notre conception des choses est limitée et elle est restreinte. De même, il nous dit, de même pour le jugement d'Allah, que ce soit le jugement, par exemple, religieux, puisqu'hier on avait bien fait la distinction entre le jugement d'Allah qui est universel et le jugement qui est religieux. De même, par exemple, le jugement d'Allah religieux. Quel est le jugement religieux? Par exemple, ce qu'Allah a légiféré. Les adorations, les différentes adorations qu'on a dans l'islam, ces adorations par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah, ce qui nous est obligatoire d'accomplir, et ben ça fait partie du jugement religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben à travers ce jugement religieux, à travers cette législation, tout ce qu'Allah jalla wa ala a légiféré religieusement, sachez qu'il y a une sagesse. Et cette sagesse, on a dit, elle peut être aussi bien haliya ou bien ra'iya, comme on l'appelle en arabe. Et Cheikh Ibn Athaymine a bien stipulé cela, a bien précisé et insisté sur cela. La sagesse haliya qu'il y a hein, dans la chose en elle-même, et la sagesse ra'iya, c'est la sagesse liée à l'objectif et au but. Liée à l'objectif. Donc par exemple, dans ce jugement religieux en lui-même, il y a une sagesse, hein, elle est apparente. Il y a une sagesse en lui-même, c'est-à-dire en ce jugement, à travers ce jugement religieux, mais aussi par rapport à l'objectif et le but pour lequel cela a été légiféré, il y a une sagesse aussi immense et donc un objectif et un but. Allah n'a pas légiféré en vain, mais au contraire, il y a des objectifs, il y a une sagesse qui est immense et infinie. Donc le croyant, on insiste bien sur cela, puisque le croyant doit vraiment comprendre cela. À présent, pour mieux comprendre, Cher va donner un exemple. Il va illustrer cela avec des exemples. Et là, à présent, on va mieux comprendre. Par exemple, lorsqu'on parle de jugement religieux, donc parmi les choses qu'Allah a légiféré, on a dit, par exemple, les adorations. Les adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré. À titre d'exemple, il va nous donner l'exemple des ablutions. Al-wudu. Les ablutions, donc cette purification par laquelle, ensuite, lorsqu'on se purifie, ensuite, on peut accomplir, par exemple, notre prière. Donc cette purification qu'on appelle al-wudu, les ablutions. Donc Allah Jalla wa Ala a légiféré, donc d'une manière religieuse, vous avez vu, là on est dans le domaine religieux, d'une manière religieuse, Allah Jalla wa Ala a légiféré, par exemple, le lavage de quatre membres. Le lavage de quatre membres. Donc il a légiféré le lavage du visage, des deux mains, de la tête et des pieds. Et des pieds. Sauf que on a trois membres qu'il faut laver. Et un membre à essuyer. Par exemple, on a le lavage du visage, des deux mains et des pieds. Et en ce qui concerne la tête, c'est l'essuyage ou bien l'essuiement. Donc Allah Jalla wa Ala, à travers le fait qu'il ait légiféré, par exemple, les ablutions, cette purification-là, donc il y a un bien qui est évident, il y a une sagesse qui est immense. Pourquoi? Parce que là, on purifie, on se lave. Des membres qui ont besoin d'être constamment purifiés, constamment être lavés. Pourquoi? Parce que l'être, la personne, il fait face aux autres avec ces membres-là, par exemple. Son visage, les mains, donc avec ses mains, il a contact avec les autres. Et de ce fait, il est primordial pour la personne de se laver les mains, de se laver le visage, souvent de se laver les pieds, par exemple. Etc. Donc on voit d'une manière apparente qu'il y a une sagesse qui est immense à travers le lavage de ses membres dans les ablutions. Donc la sagesse, elle est claire. Elle est claire comme nous l'explique Cheikh Ibn Athaymine. Et on voit même qu'il y a une sagesse qui est immense lorsqu'on observe. On voit que par exemple, en ce qui concerne la tête, Allah Jalla wa Ala nous a autorisé juste le fait d'essuyer. Le fait de passer les mains humides sur la tête, contrairement aux autres membres pendant les ablutions qui doivent être lavés, comme on l'a dit précédemment, pour les mains, pour le visage, pour les pieds. Et ils y regardaient, par exemple, à l'époque du prophète, sallam, les gens, eh ben, avaient de longues chevelures. Et donc, pour eux, lorsqu'on observe, le fait de laver ses cheveux, ça engendrait une pénibilité, une difficulté. Et c'était vraiment une facilité lorsqu'Allah Jalla leur a légiféré de juste essuyer avec les mains humides cette chevelure, les cheveux, la tête, si vous voulez. Eh ben, c'était une grande facilité pour les gens à l'époque, surtout en période d'hiver. Surtout en période d'hiver. Donc Allah Jalla a légiféré aussi bien dans les ablutions des membres qu'il faut laver, et donc des membres, et la tête en l'occurrence, à essuyer. À essuyer. Ça, c'est conforme à sa sagesse. Allah Jalla, il légifère, et derrière cela, il y a une sagesse. Donc là, on peut voir la sagesse, par exemple, du lavage. Du lavage de ces membres-là, qu'on lave. On peut voir la sagesse, elle est apparente. Elle est évidente, on peut la concevoir si vous voulez. Notre conception peut concevoir le bien fondé des ablutions. Du fait que, regardez, encore une fois, ces membres-là sont exposés à être touchés par différentes souillures, différentes saletés, par la poussière et autres. Donc c'est pour cela que la personne, il doit constamment se laver les mains et autres. Et on voit bien en période de pandémie. On voit bien que là maintenant, les autorités, par exemple, sanitaires, insistent sur le fait de beaucoup se laver les mains, insistent sur la propreté, sur l'hygiène, l'hygiène des mains, par exemple, l'hygiène du visage, vous avez vu? Alors que lui, le musulman, n'a pas attendu, par exemple, ces règles d'hygiène venues des autorités sanitaires, puisque cette manière de faire, on l'a fait constamment. La personne au minimum 5 fois par jour, lorsqu'elle fait au minimum, hein, parfois on peut faire plus, parfois moins, puisqu'on peut faire plusieurs prières avec une seule ablution, Al-Muhim, le musulman, eh ben, souvent lave ses membres-là, aussi bien son visage, ses mains, ses pieds et autres. Vous avez vu, donc la sagesse, elle est apparente. De même, Cheikh Ibn Uthaymeen va insister sur un point. Il dit, ثم الغاية من ذلك حكمة عظيمة أيضا ففي الوضوء الغاية التطهير المعنوي وهذا أهم شيء فإن خطايا هذه الأعضاء تزول مع آخر قطرة من قطرات الماء وهذا التطهير المعنوي هو المهم مع وجود التطهير الحسي لأن هذه الأعضاء في الغالب بارزة وإذا كانت بارزة فإنها تتعرض للغبار وتتعرض للأوساخ ولهذا أمرنا بغسلها. المهم أن الحكمة حالية وغائية وفي الشرع وفي القدر فتكون الأربعة حكمة حالية في القدر والثانية الحكمة غائية حكمة غائية في القدر والثالثة حكمة حالية في الشرع والرابعة حكمة غائية في الشرع. C'est très pertinent ce que nous explique Cheikh ensuite. Il nous dit par contre, il faut prendre en considération une autre forme de purification. Il y a cette purification qu'on a parlé des ablutions, le fait de laver les membres d'une manière apparente, se laver les mains, le visage, la tête, les pieds. Ça, c'est ce qu'on appelle la purification al-hissi, al-tathir, al-taharatul hissiya. C'est la purification que les savants appellent perceptible. Moi, je la traduis de cette manière. Donc, c'est ce qui est perceptible. C'est ce qu'on peut percevoir. C'est ça ce qu'on appelle hissi. Donc ça, c'est une purification qui est perceptible. C'est le lavage de ses membres à l'aide de l'eau et elle est perceptible. Par contre, il y a une autre forme. Il y a une autre forme de purification qu'on appelle la purification abstraite. C'est une purification qui est abstraite. C'est ce qu'on appelle at-taharatu al-ma'nawiyya. At-taharatu al-ma'nawiyya. Et ça, c'est très important. Et les savants parlent souvent de cette purification-là, qu'il ne faut pas négliger. Cette purification abstraite se traduit comment? C'est la purification abstraite, c'est-à-dire la purification du cœur, de toute forme d'hypocrisie, par exemple, de toute forme d'incrédulité, de toute forme de mécréance, de toute forme de polythéisme, de shirk. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la purification abstraite, celle qui n'est pas perceptible. Donc ça fait partie des formes de purification comme nous enseignent les savants. Donc aussi, et donc, on a à travers Et sachez, on a à travers les ablutions une purification, peut-être, qui n'est pas apparente, qui n'apparaît pas, qui n'est pas perceptible, mais qui est marnaoui, qui est abstraite. Donc je vous ai donné des exemples de purification abstraite, mais on a un autre exemple ici qui va nous donner Shebra Thémine concernant directement les ablutions. Il dit par exemple, lorsqu'on fait les ablutions, vous savez, on a des fautes et chaque faute se dissipe. On a des fautes qui partent avec les gouttes d'eau. Donc lorsqu'on se lave les membres, par exemple, à chaque lavage, lorsque s'écoulent hein, ces gouttes d'eau de ces membres-là, alors c'est des mauvaises actions qui s'en vont et qui tombent, si vous voulez. Et qui tombe. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc regardez, c'est un objectif, un but aussi, légiférer. Ça fait partie de la sagesse hein, à travers les ablutions. Donc on a la sagesse de la purification perceptible, du lavage, si vous voulez, de la propreté, de l'hygiène. Mais aussi, on a une autre purification, une autre sagesse. C'est le fait qu'on a l'expiation de péché. On a des péchés qui s'en vont et des péchés qui partent, qui tombent avec la tombée et l'écoulement de ces gouttes. Donc chaque goutte de nos ablutions, quand ces gouttes ensuite tombent et s'écoulent, eh ben c'est des péchés qui tombent. Et ça, c'est très important. Et ben ça fait partie, Shemra Thamin dit que ça fait partie de la purification qu'on appelle At-Tathir al-Ma'nawiyyu. Et il dit Wa huwa muhim. Wa huwa muhim. Donc vous avez vu, c'est vraiment un enseignement très profitable et bénéfique de fait du savoir que à travers les ablutions, donc on a aussi bien une purification qui est perceptible, comme je l'ai expliqué précédemment, et on a une purification qui est abstraite, comme je l'ai expliqué précédemment. Et bien ça, par exemple, c'est un exemple que Cheikh a donné, parmi les adorations qui ont été légiférées, c'est un exemple, et à travers cet exemple, on a pu voir que, par exemple, les ablutions, derrière cet acte et derrière cette adoration, et bien il y a une sagesse immense. Et donc il y a un objectif immense. Et Shir va résumer maintenant. Pour résumer cela, donc il dit la sagesse. Donc la sagesse, elle peut être sur le moment, sur l'instant. L'action en elle-même, il y a une sagesse. C'est la première chose, c'est ce qu'on appelle haliya. Mais aussi, il y a une sagesse liée à l'objectif. À l'objectif de l'objectif pour lequel, si vous voulez, l'action a été légiférée. Donc aussi bien, maintenant, ce qu'il faut savoir, aussi bien cela apparaît à travers ce qui a été légiféré religieusement, mais aussi ce qui a été décrété d'une manière universelle. Et donc, ça nous donne quatre choses. Ça nous donne quatre sagesses. Donc, Shir va résumer ici. Il va nous dire, il y a la sagesse, haliya, liée au qadr, à ce qui a été prédestiné. Il y a la sagesse liée à l'objectif dans ce qui était prédestiné, la deuxième chose. Troisième chose, il dit la sagesse haliya dans ce qui était légiféré. Et quatrièmement, la sagesse de l'objectif dans ce qui était légiféré. Donc vous avez vu, c'est très pertinent. Shemra Thémine ensuite a résumé ici cette sagesse avec ces quatre points. Donc je vous répète pour bien comprendre, lorsqu'on parle de sagesse, on a dit qu'il y a la sagesse haliya et la sagesse raya. La sagesse haliya, c'est dans la chose en elle-même, كون الشيء على هذه الحال حكمة. La chose en elle-même, le fait qu'elle soit sur cette situation et cet état-là, il y a une sagesse. Donc l'état de la chose en elle-même, qu'elle soit sur cet état-là, Cheikh nous dit, il y a une sagesse en cela. Et aussi par rapport à l'objectif et le but désiré et voulu, donc il y a une sagesse. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi je traduis de manière relative et littérale, la sagesse liée au but ou bien à l'objectif. Donc on a la sagesse aussi bien haliya, la sagesse qui est liée à l'état de la chose, hein, la chose qui était légiférée ou bien décrétée. On voit qu'il y a en elle-même, elle dénote une sagesse. Et la sagesse liée au but et à l'objectif. Ce qui nous donne, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a résumé ensuite en quatre, il nous dit donc qu'il y a quatre sagesses à prendre en considération. La sagesse liée à cette chose qui a été prédestinée, Il y a une sagesse, hein, clairement, en elle-même. L'état de cette chose dénote une sagesse. Puis, deuxièmement, cette chose qui a été décrétée, il y a une sagesse liée à l'objectif voulu et au but désiré. Troisièmement, maintenant, par rapport aux choses qui sont légiférées, les choses qui sont légiférées religieusement, alors, il y a une sagesse, hein, Haliya, en elle-même, on voit, hein, l'état de la chose dénote une sagesse, mais aussi, quatrièmement, hein, il y a une sagesse par rapport au but et à l'objectif désiré. Et ça, c'est vraiment, ça nous résume la question. Mais maintenant, pour ceux qui sont moins initiés, pour les plus débutants, mais ne vous inquiétez même pas, en résumé, ce qu'il faut juste retenir, la morale de tout cela, la leçon à tirer, à retenir, c'est que dans chaque chose qui a été légiférée par Allah, chaque chose qui se produit dans cet univers de manière universelle, ou chaque adoration qu'Allah a légiférée dans sa religion, il y a une sagesse qui est immense. C'est juste ce qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a rien sans qu'il y ait une sagesse derrière. Qu'on la connaisse, qu'on arrive à la concevoir ou non. C'est juste qu'il faut se dire que notre imagination, bien notre conception des choses, notre compréhension est limitée et restreinte. C'est juste ce qu'il faut retenir. Lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, lui détaille de cette manière parce que lorsqu'il a dispensé ses cours, il s'adresse à des étudiants qui se spécialisent dans le domaine, qui se spécialisent dans l'apprentissage et le domaine de la religion. Donc ces questions-là, Cheikh Ibn Uthaymeen les détaille de cette manière puisqu'il est en face des gens qui se spécialisent et qui étudient ces questions en profondeur. En profondeur. C'est pour cela que ces enseignements profitent, par exemple, à des gens qui sont plus initiés, à des gens qui sont plus avancés. Donc, ceux qui sont plus avancés, ça va les aider vraiment à avoir une observation en profondeur, une observation profonde, de savoir que dans les adorations qui ont été légiférées, et si Cheikh Ibn Uthaymeen l'a très bien illustré et il a simplifié cela, avec les ablutions. Donc, dans les ablutions, on voit que dans ce lavage, le fait de se laver les mains, le visage, le lavage, il y a une sagesse immense, on la comprend, on la voit. Il est important de se laver, c'est une hygiène. C'est une hygiène et ça, c'est important. Par contre, derrière, il y a une grande sagesse. Il y a une sagesse aussi qui est liée au but et à l'objectif. Le fait qu'on a des péchés, on a des fautes, et bien avec l'écoulement de chaque goutte d'eau, hein, qui tombera, et bien il y aura la tombée de péchés et de fautes. Et donc des fautes et des péchés qui vont s'écouler. Et ça, ça fait partie des sagesses. Ça fait partie des sagesses. L'étudiant, celui qui étudie en profondeur, il va prendre en considération ces quatre choses qu'on a mentionnées. Ces quatre sagesses liées au destin, à ce qui a été prédestiné et décrété, liées au jugement religieux. Sinon, en d'autres termes, pour les plus débutants, ce qu'il faut juste retenir, ce qui est très simple, comme on l'a dit précédemment, c'est qu'il y a une sagesse en toute chose. Par exemple, à travers l'accomplissement de la prière, Allah a légiféré la prière. Donc il y a des sagesses qui peuvent nous apparaître, comme il y a des sagesses liées au but pour lequel Allah Jalla wa'ala à légiférer cette adoration. Donc il y a des sagesses, peut-être on n'arrive pas à les concevoir, peut-être on ne les connaît pas. Allah Jalla wa Ala a légiféré le jeûne du mois du Ramadan. Il y a une sagesse en cela. Parfois il y a des sagesses liées à l'action elle-même, hein. Il y a une sagesse qui est apparente. Et parfois il y a des sagesses qui sont liées au but et à l'objectif pour lequel Allah Jalla wa Ala a légiféré cette adoration-là. Parfois on en a la conception, parfois on n'en a pas la conception. Mais le fait qu'on n'arrive pas à concevoir, on n'a pas la connaissance, on ignore la sagesse, ça ne veut pas dire qu'il y a une sagesse. C'est tout ça, tout simplement ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à concevoir la sagesse ou parce qu'on ignore la sagesse, donc on nie qu'il y a une sagesse. Non, il y a une sagesse qu'on arrive à la concevoir ou non. C'est juste ça qu'il fallait retenir. Donc on va avancer, Inch'Allah, puisque comme on avait dit, il y a d'autres questions à traiter qui sont très importantes, vous allez voir. Donc on avance. Ensuite, Shir maintenant va clarifier ici ce qu'on avait mentionné précédemment, puisqu'il maintenant il explique le verset. Lorsqu'Allah dit dans le verset, Wa huwa al-Azizu al-Hakim, Allah nous informe à son sujet en disant qu'il est certes al-Azizu al-Hakim, dans une traduction littérale, comme on avait dit, on peut dire le Tout-Puissant, le Sage. Donc Shir Ibn Uthaymeen veut dire, voilà ce qui dénote la perfection d'Allah, le fait que son nom sublime et magnifique, le Tout-Puissant, soit lié et mentionné d'une manière conjointe, hein, c'est-à-dire soit joint au nom le sage, au nom le sage. Et comme on avait dit précédemment, donc voilà, il y a un rajout de perfection ici. Et donc, le croyant, lorsqu'il médite sur cela et lit cela. Donc ensuite, c'est comme si Allah Jalla le rassure. Celui qui a l'emprise et le contrôle sur ses serviteurs dans cet univers, celui qui régit tout, Allah Jalla est le sage. Et donc Allah est le tout-puissant et cette puissance-là est liée à une sagesse. Est liée à une sagesse. Contrairement, on a dit, à certains qui ont un certain règne, hein, certains qui peuvent posséder une certaine royauté restreinte et limitée. Donc, ils ont l'emprise et le contrôle sur des individus, que ce soit dans des sociétés ou autres, mais ils ne sont pas sages, ils n'ont pas la sagesse. Pourquoi? Parce que cela appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'avoir aussi bien la toute-puissance et la puissance absolue, et cette puissance est liée à une sagesse qui est absolue et infinie aussi. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen va nous expliquer le deuxième verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Dans le verset, lorsqu'Allah dit « Subhana rabbika rabbil izza »« Subhana » vous avez vu, lorsqu'on le traduit de manière littérale, « Subhana rabbika » gloire à ton Seigneur, « rabbil izza » le Seigneur de, le détenteur de la puissance, si vous voulez. « Subhana » donc, yaqulu ahli al-lugha, il va nous dire que les spécialistes de la linguistique arabe disent que Subhana, c'est un ismun masdar, du verbe sabbaha, du verbe sabbaha, wal masdar tasbih. Et donc, le masdar, c'est tasbih. Ici, pour résumer, pour pas que ça soit trop compliqué, tout simplement, donc on voit fama marna tasbih. Donc, c'est dans le sens de tasbih. Zut tasbih, c'est dans le sens de glorifier. Donc, lorsqu'on dit Subhana, Subhanallah. Lorsqu'on dit Subhanallah, donc d'abord, je vais nous expliquer que le fait que ça soit un ism masdar ici, et donc il est mansoub, ala al-maf'uliyya al-mutlaqa. Donc on va toujours le prononcer avec la fatha. On ne dira pas Subhanu, Subhanu ou Subhani, avec la kasra ni avec la dhamma. On dira Subhana, Subhana par rapport à la grammaticale et par rapport à ce que ici explique Cheikh, il explique la raison pourquoi d'abord le terme Subhana ici il est mansoub. Ensuite, deuxièmement, donc Subhana, on apprend que c'est du tesbir, c'est tesbir. Pourquoi? Parce que on a dit ça ism masdar du verbe sabbaha, donc le masdar c'est tesbir. Qu'est-ce que tesbir? C'est en français on traduit littéralement par glorification. Le fait de glorifier. Quel est le sens de la glorification? Glorifier Allah, c'est le fait qu'il soit exempt de toute forme d'imperfection. C'est glorifier Allah, c'est qu'il est exempt de toute forme d'imperfection. C'est l'exempté de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala, et de toute forme de similitude, et de l'exempté de tout égal et de tout semblable, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les textes sont nombreux, Cheikh Ibn Athaymine va nous donner des preuves à cela en nous disant que les textes sont nombreux, les textes qui dénotent bien cela, le fait qu'Allah Jalla wa ala est exempt de toute forme d'imperfection et de manquement ou diminution. En l'occurrence, et de toute forme d'égal. Allah n'a pas d'égal. Par exemple, le hadith où le prophète ensemble nous disait que Inna Dajjal Awar, wa Inna Rabbakum Laysa bi Awar, par exemple. Dans un hadith, le prophète sallam nous a enseigné que, par exemple, l'antéchrist, il est borné. Et il nous dit, votre Seigneur n'est pas borné. Ça veut dire que Allah, rien ne lui est semblable. Et Allah n'est pas semblable à ses créatures. Par exemple, dans le récit, dans plutôt le verset, lorsqu'Allah dit, Laysa kamithli shay, il n'y a rien qui est semblable à lui. Donc ça, tout ça, il dit, ça dénote at-tanzih. Pourquoi? Parce que at-tasbih, la glorification, en réalité, c'est at-tanzih. C'est l'exemption, si vous voulez. L'exemption de toute forme d'imperfection, premièrement. Et parmi les imperfections, qu'il y ait des égales et des semblables. Et par exemple, dans un autre verset, Allah dit « Wa laqad khalaqna as-samawati wal-ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub » Dans un verset, Allah dit « Et nous avons certes créé les cieux et la terre, wa ma baynahuma, et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, fi sittati ayyam, en 6 jours, wa ma massana min lughub. » Et Allah dit, et il n'a pas été touché par la fatigue, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici, Allah est exempt de toute forme de fatigue. Et c'est pour ça qu'on a des versets qui nous dénotent aussi qu'Allah est exempt de toute forme de somnolence ou autre. Allah n'est pas touché par la fatigue, ni par l'oubli, par exemple, ni par la somnolence ou autre. Pourquoi? Parce que ça dénote L'imperfection. Et Allah est exempt de toute forme d'imperfection. Donc lorsqu'on glorifie Allah, c'est glorifier Allah et exempter Allah de toute forme d'imperfection. Et c'est ça ce qu'on appelle tasbih, qui est dans le sens de at-tanzih. Et lorsque Allah Jalla dit Subhana Rabbika, Rabbika, il s'adresse au prophète, gloire à ton Seigneur, à ton Seigneur, à ton Seigneur, c'est-à-dire le prophète sallam, du fait qu'il s'adresse à lui. Donc Allah adafa ar-rububiyya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbika, gloire, hein, si on le traduit de la sorte, gloire. Allah est le glorieux, le tout-puissant, celui qui est exempt de toute forme d'imperfection. Gloire à ton Seigneur. Donc ça, c'est annexé. Il y a une annexion ici. Idafa ar-rububiyya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Li'annaha rububiyyatun khassa. Pourquoi? Parce que c'est une seigneurie spécifique ici. Cheikh nous explique, c'est la seigneurie spécifique. Fa inna Allah ta'ala rabbuhu. Rabbuhu. Rabbahu ala akmalil akhlaq. Parce qu'Allah Jalla wa'ala est le seigneur de Mohammed, du prophète et de toutes ses créatures. Allah Jalla wa'ala a éduqué, a créé le prophète Mohammed selon les meilleures moralités, les meilleurs comportements. Walidhalika, ou sur les meilleurs comportements. Walidhalika naqul ar-rububiyyah tanqasim ila 'amma wa khassa. Pour cela, Cheikh nous dit, on dit que la seigneurie d'Allah Jalla wa'ala se divise de deux catégories. Il y a deux sortes de seigneurie, il dit. La seigneurie générale et la seigneurie spécifique. La seigneurie générale, fait al-'ammatu hiya ash-shamilatu li jami'il khalq. C'est celle qui englobe toutes les créatures. Mithl qawlihi ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Par exemple, dans le verset dans Sourate al-Fatiha, lorsqu'on dit alhamdulillahi rabbil alamin, louange Allah, Seigneur de l'univers, ça c'est la seigneurie, donc Seigneur, vous avez vu, rabbil alamin, le Seigneur de ce monde, ou de l'univers, si vous voulez, on voit que là c'est, il y a une portée générale. Donc c'est la seigneurie, Allah est le Seigneur de tous les êtres. C'est pour ça qu'on appelle ça la seigneurie, qui a une portée générale, qui est âme pour tous les êtres. Elle englobe toute la création, toutes les créatures. Comme dans un autre verset, lorsqu'Allah dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Seigneur des cieux et de la terre, et ce qu'il y a, et de ce qu'il y a entre les cieux et la terre, et de ce qu'il y a entre les deux. Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, vous avez vu, c'est une portée générale. Allah est le Seigneur de tout ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre, et entre les cieux et la terre. Wal khassatu. Et cette seigneurie qui est spécifique, qui est la qui t'artassou biman ta'abbada lillahi azza wa jal wa testelzim al-nasr wa testelzim al-nasr wa ta'yid wa tarbiyat al-khassa wa akhassu hadha an-nou' a'ni ar-rububiyyatu al-khassa ma udifat ila ar-rusul alayhim as-salatu was-salam li'anna ar-rububiyyat Allah jalla wa ala li'anna rububiyyat Allah lahum hiya akhassu rububiyyah. Et ce que nous explique Cheikh Al-Uthaymeen, c'est très pertinent. Il nous dit maintenant qu'on a la seigneurie spécifique. Cette seigneurie spécifique, elle est liée à ceux qui l'adorent. Donc on a cité précédemment, comme dans Sourate Al-Fatiha, celle qui est générale, seigneur de l'univers. Maintenant, la seigneurie spécifique. C'est-à-dire, elle est liée et elle englobe ceux qui vouent adoration à Allah, qui l'adorent d'une manière plus spécifique. Pourquoi? Parce que cette seigneurie spécifique, pourquoi Cheikh Ibn Athaymine fait bien la distinction entre la générale et la spécifique? Celle-ci, elle inclut les adorateurs, c'est-à-dire les soumis à Allah, du fait qu'elle implique l'appui, le secours et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le fait qu'Allah Jalla wa ala est le Seigneur de l'univers d'une manière générale et de toutes les créatures, de celles qui peuplent les cieux ou bien la terre ou entre les deux, d'une manière plus spécifique, Allah Jalla wa ala est le Seigneur de ceux qui l'adorent, dans le sens que cela implique qu'il va les soutenir, les assister, les secourir. Et donc ça, c'est une tarbiyah qu'on appelle khassa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Spécifique à ceux qui sont soumis à lui et qui l'adorent. Et d'une manière encore plus spécifique, les prophètes et les messagers. Les prophètes et les messagers. Pour cela qu'il dit que cette seigneurie-là, elle est khassa. Ensuite, Rabbil Izzah. Dans la version, on a Rabbil Izzah. Rabbil Izzah, si on traduit littéralement, si on traduit littéralement, on dirait Seigneur de la puissance. Puisque l'Izzah, on a dit, c'est l'attribut. L'attribut qui est la puissance. Donc ça, si on traduit littéralement. Puisqu'on a le terme Rabbil Izzah. Mais ici, il ne faut pas comprendre dans ce sens-là. On ne peut pas le traduire par le Seigneur de la puissance. Pourquoi? Parce que Marna Rob ici, Rob, alors qu'il a le sens de Seigneur à la base, mais aussi il peut avoir le sens de Sahib. Sahib, ici qu'on traduirait par celui qui détient, le détenteur. Et ici, donc, le sens ici, à savoir, lorsqu'on dit Rabb al-Izza, ce n'est pas Seigneur de la puissance, mais c'est le détenteur. Il faut traduire par Sahib, Sahib al-Izza, comme dit Cheikh Ibn Al-Thaymin. Il nous dit, Walaysa ma'naha khaliq, fa Rabb fi Rabbika. Donc, ce n'est pas dans le sens qui est Seigneur, dans le sens créateur de la Izza, créateur de la puissance. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il ne faut pas le comprendre dans Rabb al-Izza, c'est-à-dire le Seigneur, c'est-à-dire dans le sens de créateur de la Izza. Pourquoi? Parce que la Izza, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Et donc, le sens de Rabb ici, c'est le détenteur de la Izza, celui qui détient. Donc, lorsque vous avez vu dans le verset, lorsqu'Allah dit Subhana Rabbika, Rabbil Izza, Subhana Rabbika, Rabbil Izza, Rabbil Izza, c'est le détenteur de la puissance. Sahib al-Izza. Walaysa ma'naha khaliq, fa Rabb. في ربك غير رب في رب العزة لأن رب العزة يتعين أن تكون بمعنى صاحب ولا يجوز أن نجعلها بمعنى خالق وذلك أن العزة صفة من صفات الله جل وعلا وصفات الله تعالى غير مخلوقة فيتعين أن نحمل قوله جل وعلا رب العزة على صاحب العزة أي ذي العزة. Pourquoi? Parce que comme on a dit précédemment, on ne peut pas dire que c'est le Seigneur, on ne traduit pas par le Seigneur de la puissance. Parce que ça peut sous-entendre créateur de la puissance. Et ce n'est pas le sens. Pourquoi? Parce que la puissance, on a dit, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Or, les attributs d'Allah ne sont pas créés. Pour cela, on doit comprendre Rabbil Izzah, le traduire de cette manière. Seigneur de la puissance dans le sens, le détenteur de la puissance. Pourquoi? Parce qu'il dit Sahib al-Izzah, bimarna ay dhil izzah. Sahib bimarna dhu. Sahib al-Izzah. أي ذي العزة وإنما أضاف هنا نفسه عز وجل إلى العزة لأن المقام يقتضيه لأن المقام يقتضي فإن هؤلاء يصفون الله تعالى بما هو مبرؤون منه كما قال رب العزة عما يصفون عما يصفون et du fait qu'à l'époque les polythéistes avaient décrit Allah des choses et d'autres même de nations précédentes avaient décrit Allah par des formes d'imperfection. Ils avaient menti au sujet d'Allah. Donc Allah nous dit qu'il est au-dessus. Il est au-dessus de ce qu'il lui donne comme associé à Amma Yassifoun, de leur description à eux. Allah est celui qui détient la puissance. Il est le détenteur de Al-Izzah et de la gloire. Amma Yassifoun. Donc Allah est au-dessus de cela. Et c'est pour cela que At-Tanzih, At-Tasbih, c'est bimarna, l'exemption. Exempter Allah Jalla wa'ala de toute forme d'imperfection. Ensuite, si on a compris cela, donc on peut passer au verset suivant, puisque l'auteur, ensuite l'imam al-Bukhari, a cité un autre verset. Où, dans le verset, Allah dit dans une traduction relative, « Walillahi al-izzatu wa li rasuli. » Et Allah, à lui, appartient la puissance, à lui la puissance, et à son messager. Il serait dit aussi dans le verset ensuite, « Et aux croyants. » Et là, donc l'imam al-Bukhari a cité cette partie, hein, donc il a fait allusion ici, à une partie du verset plutôt, 7 de la sourate les hypocrites, « Al-Munafiqun. » Et pour bien comprendre cela, sachez que dans ce verset était une réponse, ce verset était révélé en guise de réponse aux hypocrites. À l'époque, les hypocrites avaient dit, lorsqu'on reviendra à Médine, le fort fera sortir le faible. Le fort fera sortir le faible. En termes littéraux, c'est-à-dire les puissants feront sortir les rabaissés, les humiliés. Et donc, en d'autres termes, donc le fort fera sortir le faible. Donc les hypocrites avaient dit cela, ils avaient prétendu cela. Ils prétendaient que lorsqu'ils reviendront à Médine, alors le fort fera sortir le faible, c'est-à-dire eux, ils feront ressortir les croyants. Et Allah Jalla wa'ala a révélé le verset. Et donc Allah, en guise de réponse aux hypocrites, leur dit, certes, la puissance, la gloire appartient à Allah. À Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière absolue, elle est pour Allah. Walillahi al-izzatu. Ensuite, il dit, et à son messager et aux croyants. Et à son messager, aux croyants. Donc c'était une réponse pour les hypocrites. Falaysahum a'az min rasulillahi sallam wal mu'minin. Et Allah leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas plus glorieux et plus puissants qu'Allah, son messager et les croyants. Qu'Allah, son messager et les croyants. Eux, les hypocrites, donc, se sont crus forts, ont pensé qu'ils avaient un certain pouvoir. Et Allah, Jalla wa ala, leur a répondu que ce pouvoir-là, cette puissance-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager et aux croyants. et qu'Allah Jalla wa Ala, justement, a donné le secours et a secouru les croyants. Donc c'était une réponse. De même, dans cette sourate, on voit que, par exemple, les hypocrites disaient « La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu » et ne dépensez pas pour ceux qui sont avec le messager d'Allah. Regardez aussi, ils disaient aux gens, ils empêchaient les gens de dépenser pour ceux qui étaient auprès et avec le messager d'Allah. Et Allah leur répond en disant « Walillahi khaza'inu samawati wal ard » et Allah appartient tous les trésors des cieux et de la terre. Allah appartient tous les trésors des cieux et de la terre, mais walakin al-munafiqin la yafqahun. Mais Allah dit walakin al-munafiqin la yafqahun. Mais certes, les hypocrites ne comprennent pas, n'en ont point la connaissance. Donc vous avez vu, donc l'élément illustrant dans ce verset dont a fait allusion l'imam al-Bukhari, c'est que on a une preuve qu'Allah dit alors là dit walillahi al-izzatu et la puissance appartient de manière absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalalou. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen va soulever une question très importante. Il va dire وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Maintenant, il va soulever une question importante ici. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de jurer, de faire un serment par la puissance d'Allah ou bien par un autre parmi les attributs d'Allah? Ou bien faire un serment, jurer, par un attribut d'Allah? Donc, comme vous savez, le fait de jurer, on dit Wallah. On peut dire Tallah ou Abillah. Donc on jure par Allah. Donc le croyant se doit de jurer par Allah. On n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah, comme on avait déjà dit dans les allocutions et des cours précédents. Donc on ne peut pas jurer par un autre qu'Allah, par exemple par la vie des ascendants ou bien des descendants. Donc cela est interdit. Sur la tête de ses parents ou de ses enfants ou de tout autre qu'Allah. Cela est interdit pour le musulman. On doit jurer que par Allah. Par contre, est-ce qu'on aurait le droit de jurer par exemple par la bi'izzatillah? Par la gloire ou la puissance d'Allah, par cet attribut-là qu'on est en train d'étudier, l'Izzah, la puissance et la gloire, ou bien par un autre attribut, ou bien par un autre attribut. Cheikh nous dit, Na'am bidalil ma zakara al-Bukhari rahimahullah fa yajuz an naqul bi'izzatillahi wa 'izzatillahi la'aghlibanna aduwwi insha'Allah wa hadha yajuz. Et dit, Cheikh Al-Uthaymeen en guise de réponse, oui, on a le droit. On a droit, par exemple, de jurer par la puissance et la gloire d'Allah. Par exemple, un titre d'exemple, et dit, ça s'est prouvé dans ce qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, parce que dans le hadith qu'on va étudier ensuite, dans ce qui va venir, l'imam al-Bukhari va mentionner des hadiths où il y a des serments. C'est pour ça que c'est pas en vain que Cheikh Al-Uthaymeen traite cette question-là, il parle de cette question, il fait allusion à cette question, puisque l'imam al-Bukhari, dans les récits qu'on va lire ensuite, qu'on va apprendre, dans ces récits qu'il va mentionner l'imam al-Bukhari, eh bien, il y a justement la mention et l'évocation de serments, par exemple, faits par la tribu d'Allah, l'Izza. Donc il dit, on peut dire, il est permis de dire, en jurant, on peut dire « Wa izzatillah, wa izzatillahi l'aghliban adu, oui, insha'allahu » Il dit, cela est permis. Par exemple, la personne va dire « Par la gloire d'Allah, il jure par la puissance d'Allah, par la gloire d'Allah, nous allons vaincre, par exemple, nos ennemis. » Si Allah le veut. Il dit ça, c'est permis de jurer, par exemple, par la puissance et la gloire. Donc cet exemple-là, vous avez vu, il convient avec la circonstance, puisque lorsqu'on on utilise un attribut pour jurer, il faut qu'il soit en cohérence avec le contexte. Avec le contexte. Donc il dit, « Ey, bi-sifatihi, ey, sifat min sifatillah, yajuz an tahrifa biha. » Donc il dit, et de même, on peut jurer avec d'autres attributs parmi les attributs d'Allah. Donc ça, c'est permis. En tahlifa biha, fanaqul wa qudratillahi l'ahmilanna hadha al-hajar. Par exemple, il dit, on peut jurer par le pouvoir d'Allah, par la capacité, on va dire, al-qudra. Al-qudra, c'est vraiment le pouvoir, la puissance, la capacité d'Allah. Par exemple, on dit, wa qudratillahi l'ahmilanna hadha al-hajar. Par la puissance d'Allah, hein, je vais certes porter cette pierre-là. Ou taqul wa sultanillahi wa sultanillahi la astahwidhanna ala ahli bayti. On peut jurer aussi par le sultan bi wa sultanillahi, par exemple, par le contrôle d'Allah, la royauté d'Allah, par exemple. Donc on peut jurer, il dit, il est permis de jurer par un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim anna al-halifa bi sifatillah ja'iz. Et dit ce qui est important de savoir, c'est que la règle, c'est que jurer, faire un serment par un attribut d'Allah, cela est permis. Ensuite, il dit wa hal yajuz al-halif bil-Qur'an? Na'am. Il dit maintenant, est-ce qu'il est permis de jurer par le Coran, de jurer par le ou sans le Coran? Il dit, Naram, oui, cela est permis. L'an al-Qur'an sifa, sifa, mon sifatillahi jalla wa ala. Pourquoi il dit oui? Parce qu'il dit, le Coran, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Ou al-Yajuz al-Halif bil-Mus'haf. Maintenant, est-ce qu'il dit une autre question? Est-ce qu'il est permis de jurer par al-Mus'haf? Donc, faites la distinction entre le Coran, donc le Coran qui est la parole d'Allah, c'est le Coran. Et maintenant, on a ce qu'on appelle al-Mus'haf. Al-Mus'haf, c'est ce que vous voyez, ce sont les pages, la pochette, la couverture du livre. Hein. Donc, ce que vous voyez, le Coran, il y a là, la couverture, il y a les pages, tout cela, ça s'appelle al-Mus'haf en arabe, al-Mus'haf. Et au pluriel, al-Masahif, pour ça, on dit al-Masahif. Donc, souvent, lorsqu'on dit al-Mus'haf, ce qu'on veut dire, hein, ici, on sous-entend le Coran. Le Coran. Donc il dit, maintenant est-ce qu'on pourrait jurer par le Mus'haf? Donc pour le Coran, il a dit oui, puisque c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un attribut. Et le Coran n'est pas créé. Donc là, ici, ce qui nous est interdit, c'est de jurer par une créature ou par la création d'Allah. Parce qu'il a été créé. Par contre, le fait de jurer par un attribut d'Allah, en l'occurrence la parole n'a pas été créée, le Coran n'est pas créé puisque c'est un attribut d'Allah, c'est la parole d'Allah et la parole d'Allah est incréée. Donc il dit en ce qui concerne le Mus'haf, il dit il y a une nuance. Il va détailler la question, il dit il y a fi tafsil. Donc il faut détailler la question. In arad al Mus'haf alladhi huwa al awraq wal jild wal midad, si lorsqu'on jure par le Mus'haf, par le livre, en quelque sorte par le livre, on sous-entend, on fait allusion aux feuilles, à la peau, par exemple de la couverture, ou bien à l'imidad, à l'encre, fait innahu la yajuz. Et dit cela n'est pas permis. Donc si on fait allusion à ça, il dit cela n'est pas permis parce que tout cela est créé. Donc tout cela est créé. Donc si on fait allusion à ça, alors il dit non. Par contre, wa in arada bil mushaf yani al Qur'an fa hadha jaiz. Par contre, si par cela on sous-entend le Coran, il dit cela est permis. Il dit cela est permis. Une autre question que va souligner ici Cheikh Ibn Al-Haythami, il dit hal yajuz al halif bi ayatillah? Hal yajuz al halif bi ayatillah? Et on va terminer sur cette question-là. Il dit maintenant, est-ce qu'il est permis de jurer par les versets, par les signes d'Allah ou bien les versets d'Allah? Donc je vais traduire de manière générale par les signes d'Allah. Est-ce qu'il est permis de jurer par en disant bi-ayatillah? Bi-ayatillah, est-ce qu'il est permis de jurer bi-ayatillah par les signes d'Allah? Alors il dit de même, il y a des nuances. Il y a une nuance à bien prendre en considération, donc il y a fihi tafsil, il y a un détail à comprendre. Il dit in arada bi-ayatillah al-ayat al-kawniyah fa innahu la yajuz. Si on sous-entend, fait allusion lorsqu'on dit ayatullah, les signes d'Allah, on sous-entend les signes universels. Lorsqu'on dit les signes universels, c'est-à-dire la création d'Allah, la création, toute la création d'Allah, ça fait partie des signes, ce qu'on appelle l'ayat. Donc si on sous-entend, on fait allusion aux signes universels, il dit cela n'est pas permis. On ne peut pas jurer par les signes universels, par la création par exemple, par les cieux, par la terre ou autre. Si c'est ça qu'on sous-entend et dont on fait allusion, alors cela n'est pas permis. On ne peut pas jurer par les signes d'Allah. Si ce sont les signes universels, comme on a cité précédemment, qui sont voulu et dont on fait allusion. Par contre, il dit si ce qu'on fait, ce qu'on désire, on fait allusion par les signes d'Allah, c'est l'ayat al-shar'iyya, les signes religieux, c'est-à-dire les versets d'Allah religieux, c'est-à-dire la révélation. Si on sous-entend par les signes, les versets, par exemple du Coran, la révélation, il dit cela est permis. Cela est permis. Donc vous avez vu ici, il faut faire la distinction entre les signes universels et les signes religieux. Les signes universels, c'est la création, tout simplement. Et les signes religieux, ce sont les versets. Pour ça, l'ayat, on peut les traduire par les versets. Les versets, c'est-à-dire, lorsqu'on dit les signes religieux, el wahyu, la révélation. Si c'est la révélation qu'on sous-entend, et dont on fait allusion, et dit cela est permis. Et dit en ce qui concerne la majorité des gens, les gens de la masse, lorsqu'ils jurent par les versets d'Allah, par les signes d'Allah, souvent ils disent bi ayatillah, ils disent wallah bi ayatillah, ils disent par les signes d'Allah. Et dit la masse, généralement, qu'est-ce qu'ils veulent sous-entendre par là? Et il dit al-dhahir, ce qui apparaît, annahum yaqsiduna al-ayat al-shar'iyya. Il dit souvent en réalité, Les gens de la masse, lorsqu'ils jurent par les signes d'Allah, ils veulent faire allusion, ici ils font allusion aux signes religieux, à la révélation, c'est-à-dire les versets d'Allah. Aux signes religieux, c'est-à-dire les versets d'Allah. Là où Sa'elte, ey ami, il dit, si tu interroges n'importe quelle personne parmi les gens de la masse, les gens de la société, les gens de la masse, هل أنت تريد بقولك وآيات الله أو أحلف بآيات الله الشمس والقمر؟ لقال لا أنا أريد القرآن فيكون بذلك حالفا بصفة فيكون بذلك حالفا بصفة من صفات الله جل وعلا. Regardez ce que le shérif dit ici. Il dit, si vous interrogez n'importe qui parmi les gens de la masse, vous leur posez la question, lorsque tu dis par les signes d'Allah, est-ce que tu sous-entends, tu jures par le soleil ou par la lune, ou bien tu jures par le Coran? Il te dira, non, je jure par le Coran. Donc c'est pour ça qu'il dit de manière générale, les gens, souvent, lorsqu'ils disent par les signes d'Allah, ce qu'ils sous-entendent, c'est qu'ils jurent par le Coran. Donc si c'est ça qu'ils sous-entendent et dont ils font allusion, cela est permis. À la différence que si, lorsqu'ils disent par les signes d'Allah, ils veulent jurer par la création, par des créatures comme le soleil, ou bien le qamar, ou bien les cieux, ou bien la terre, cela est interdit. Mais cher dit, lorsque Ida sa'alta, ey ami, lamma qala bi qawlika wa ayatillah, ou احلف بآيات الله الشمس والقمر لقال لا انا اريد القران فيكون بذلك حالفا بصفة من صفات الله. Donc on va s'arrêter sur ça. Donc vous avez vu, il y a de nombreuses questions à étudier qu'on va apprendre à travers l'étude de ce chapitre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va encore mentionner certaines questions qu'on va apprendre avec l'aide d'Allah et la permission d'Allah dans la prochaine allocution, dans le prochain cours, inshallah. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك